Bien-aimés, je vous dis bonjour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, j'ai à cœur de partager une petite exhortation parce que tout dernièrement, j'ai été contacté par des frères, des sœurs. Ils veulent bien se marier. Comme vous le savez, le mariage est de Dieu parce que c'est Dieu qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et tout dernièrement, dans ma voiture, il y a une sœur qui m'a dit « Bien-aimée, depuis mes 25 ans, je prie pour avoir un mari. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Dieu va me donner un mari quand? Quand j'aurai 70 ans. Et les enfants, je les aurai à quel âge? » Ça m'avait touché. Et j'ai dit, bien-aimé, quand même tu es dans une grande église, et quand même il n'y a pas un frère qui te demande la main, et pourtant tu n'es pas moche, tu es élégant, tu es bien. Il m'a dit, bien-aimé, effectivement, il y a quelqu'un qui court derrière moi. Mais cette personne touche 1500 euros par mois. Frère, regarde comment je m'habille. Regarde ma paire de chaussures. Regarde mes tenues. Quelqu'un qui gagne 1500 euros. Je fais quoi avec ça? C'est pourquoi moi, franchement, vu que je coûte cher, je coûterai même cher à mon mari. Il me faut quelqu'un qui a de l'argent. Vous vous rendez compte? Je vais lire un passage dans le livre de Jérémie. Parce qu'il y a beaucoup qui prient. Beaucoup qui prient. Mais ils ont placé devant Dieu des profils. C'est ça le problème. Je vais lire dans le livre de Jérémie au chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu t'eusses formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu révèle à Jérémie qu'avant même que ta mère ne tombe enceinte de toi, moi je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie ne le savait pas. Les parents de Jérémie ne le savaient pas. Mais Dieu lui révèle que moi je te connaissais avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Et je t'avais déjà établi prophète. Tu es mon prophète. Dieu révèle cela à Jérémie. Je veux maintenant lire dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6. Au verset 38, il est écrit, ça ce sont les paroles de Jésus lui-même. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Ce Jésus va dire un jour, personne ne connaît le Père. Si ce n'est moi, personne et à qui je veux le révéler. Je suis le seul qui connaît le Père. Et il n'y a que moi qui peux le révéler à qui je veux. Parce que je suis le seul qui le connaît. Ok, puisqu'il est le seul qui connaît le Père, tout ce que nous pouvons faire, nous enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est de regarder comment Jésus, qui est le chemin, se comportait vis-à-vis de ce Père-là. Jésus est le chemin, il est venu nous montrer le chemin. En fait, il est venu nous montrer comment traiter avec ce Dieu-là. Le Dieu que nous appelons Père éternel, oh mon Dieu, je te bénis. Jésus nous montre comment on traite avec lui. Dieu envoie Jésus sur terre pour faire quoi? Pour se sacrifier à la croix, pour les péchés des hommes. D'accord? Quand Jésus descend sur terre, Jésus connaît la mission. Il savait ce qu'il attend sur terre. Il savait que les hommes allaient le rejeter. Il savait tout ce qu'il allait endurer. Il le savait. Mais Jésus ne dit pas, Père, je suis d'accord de descendre sur terre pour accomplir ta volonté, pour sauver les hommes. Mais le sacrifice à la croix, moi je voudrais que ça se passe comme ça. Je préfère que ça se passe. Non, il n'a pas posé de condition. Il n'a pas dit à Dieu, moi je veux que ça soit comme ça. Il est venu tout simplement appliquer ce que le Père attendait de lui. Jésus nous montre, nous croyants aujourd'hui, nous enfants de Dieu, comment on traite avec ce Dieu-là. C'est-à-dire que quand ce Dieu-là a déjà planifié quelque chose pour ta vie, ce n'est plus à toi de lui dire « Non, moi je ne veux pas que ça soit comme ça ». Dieu a besoin aujourd'hui et recherche des fils et des filles obéissants. Dieu veut tout simplement des gens qui viennent à lui et qui peuvent lui dire « Père, je suis là, me voici. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je suis prêt ou prête à accomplir ta volonté. » C'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Le problème, c'est quoi ? Beaucoup prient pour le mariage, que ce soit des frères et des sœurs. Mais ils ont mis dans la tête des profils. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, une femme dire, « Moi, il faut que ça soit un gars qui a 1m90, sportif, cadre, il gagne bien sa vie. Franchement, si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine. » Vous avez placé devant Dieu des profils. Ce qui fait que lorsque Dieu te regarde, il regarde comme ça, il dit, « Mais franchement, si je lui amène la personne, là, il est en train de prier. » La main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre. Mais Dieu sait que s'il amène vers toi cette personne qu'il avait préparée pour toi, tu vas refuser la personne. Je t'informe, ma sœur, toute femme qui est sur terre a été formée à partir de la côte d'un homme. Cet homme existe, il est quelque part et Dieu le connaît. Je vous prends un exemple. Tous les prophètes ont parlé de la venue d'un Messie. Tous les prophètes. Et vous savez que Israël, au bon vieux temps, au moment de la naissance de Jésus, était dominé, colonisé, c'est même le mot, par les Romains. Parce que Jules César avait placé des gouverneurs partout dans les territoires qu'il avait occupés. Il plaçait des gouverneurs. C'est pourquoi on peut parler d'Hérode, on peut parler de Pilate. C'était des Romains, ce n'était pas des Juifs. Bon, quand ils sont là-bas, dominés, et sachant très bien qu'un Messie, tous les prophètes ont annoncé la venue d'un Messie, et surtout que la Bible dit que le Messie vient pour libérer Israël. Libérer Israël. Quand Jésus se présente à ce peuple hébreu, il dit au peuple hébreu, c'est moi le Messie que vous attendez. Ils ont dit, non, tu ne peux pas être le Messie, parce que nous sommes dominés par les Romains, parce qu'eux attendaient un chef militaire. Ils attendaient un révolutionnaire, quelqu'un qui arrive, qui va dire, ah non, ici c'est le terrain des Juifs, Romains, dehors, vous les Romains, vous n'êtes pas chez vous ici. Quelqu'un qui va monter la révolution pour combattre les Romains, parce que eux, ils voyaient le combat sur le plan charnel. Mais Jésus dit, je suis le Messie. Il dit, non, tu ne peux pas être le Messie. Toi, tu viens dire, il faut pardonner celui qui te fait le mal, aimer vos ennemis. Non, tu ne peux pas être le Messie. Parce que ton langage ne cadre pas avec le Messie que nous attendons. Nous attendons un révolutionnaire, quelqu'un qui va nous monter contre les Romains. Alors que Dieu savait que le véritable ennemi d'Israël, c'était le diable. Donc Jésus vient pour livrer un combat spirituel contre Satan, parce que c'est Satan qui dominait Israël. Et il en est de même aujourd'hui partout dans le monde. C'est-à-dire le diable se sert des hommes pour dominer d'autres hommes. Le diable se sert d'un homme pour tuer. Le diable se sert d'un homme pour calomnier. Le diable se sert toujours d'un homme pour faire le mal à un homme. Et c'est ce qui se passait. Donc le Messie est au milieu d'eux. Ils ont dit, non, tu ne peux pas être le Messie parce que toi, tu viens nous parler d'amour. Nous voulons quelqu'un qui vient livrer la guerre à nos ennemis, à ces personnes qui sont en train de nous dominer sur la terre de nos ancêtres. C'est ce qu'ils attendaient. Et c'est pourquoi ils ont rejeté le Messie. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à attendre le Messie. Mon frère, ma soeur, pourquoi Israël a raté le Messie? Parce qu'ils avaient dans leur tête un Messie. Un Messie, le Messie qu'ils voulaient, le Messie qu'eux attendaient, qui était un homme charnel, qui devait livrer la guerre sur le plan charnel. Quand le Messie envoyé par Dieu arrive, ils ne l'ont pas reconnu. Frère, ma soeur, tu me dis depuis 25 ans tu pries, tu as aujourd'hui 40 ans, Dieu va te donner un mari quand? Si tu pries depuis 25 ans, tu crois que Dieu doit attendre que tu aies 80, 70 ans pour te donner un homme? Peut-être que le Messie est déjà même passé devant ta face, mais tu l'as ignoré. Parce qu'il ne répond pas à tes critères. Le problème, c'est quoi? Vous avez des sœurs qui raisonnent charnellement. Ah non, il ne faut pas qu'il soit un Africain. Moi, je veux un Européen. Ah non, il ne faut pas que ça soit un Européen. Il faut qu'il soit Américain. Vous avez placé des profils. Ma soeur, tu existes à partir de la côte d'un homme. Parce que Dieu a pris la côte d'un homme et il t'a formé. Cet homme existe, Dieu connaît cet homme. Toi, tu ne le connaîtras pas. C'est-à-dire que si tu vas dans le mariage en se basant sur des profils charnels, il faut qu'il soit élégant, beau garçon, beau gosse, bien bâti, voilà, cadre, il a du fric. Mais si tu regardes ça, mais quel est l'état de son cœur? Après, tu vas te retrouver dans un mariage où tu n'es pas heureuse, où le monsieur s'en fout. Il ne te respecte même pas. Méfiez-vous de l'amour des premiers jours. Parce que là, c'est la séduction. Chacun cherche à être doux, gentil. Mais après un temps, le masque tombe. Et la véritable nature de la personne prend le dessus. Méfiez-vous. C'est pourquoi il faut laisser Dieu te conduire. La main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre tes prières. Mais c'est parce que quand Dieu te regarde, il a vu, tu as mis les profils. Regarde cette sœur. Tu me dis dans la voiture, je fais quoi avec un homme qui gagne 1 500 euros parce que moi je coûte cher. Regarde les paires de chaussures que je mets. Beaucoup ont mis des profils comme ça. Même des frères, il faut qu'ils soient bien bâtis. Mais non, Jésus-Christ est le chemin. C'est Jésus qui est venu nous montrer, nous, les enfants de Dieu, comment on traite avec ce Dieu-là. Comment avec ce Dieu-là ça fonctionne. C'est-à-dire que Jésus vient sur terre, accomplit la volonté de son Père. Il n'a jamais dit à son Père, ok, je m'en vais à la croix pour les êtres humains, d'accord? Mais moi, je veux que le sacrifice, ça se passe comme ça. Non, il est venu tout simplement comme un agneau qui va à l'abattoir. Tout simplement, Père, que ta volonté s'accomplisse. Je vous prends l'exemple d'un monsieur. Vous connaissez Jonas? Jonas, serviteur de Dieu. Vous connaissez Jonas? Dieu lui dit, Jonas, tu vas à Ninive. Jonas ne savait pas. Le jour qu'il était né, que Dieu avait un plan pour lui, pour aller prêcher à Ninive. Mais Dieu va le lui révéler. Le problème, c'est que Jonas, dans son cœur, lui, il avait d'autres itinéraires. Et comme Dieu ne force pas la main, Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit, Jonas a pris sa voie. Et vous connaissez les difficultés qu'il a eues. Il s'est retrouvé dans un bateau, on l'a jeté dans la mer. La Bible dit qu'un gros poisson l'a avalé. Jonas s'est retrouvé dans l'estomac du poisson et il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Et vous allez remarquer que lorsque Dieu le délivre du ventre du poisson, Dieu l'envoie à Ninive. Parce que avant que Jonas ne soit formé du ventre de sa mère, Dieu avait déjà établi que Jonas un jour ira prêcher à Ninive. Dieu ne change pas de programme. Le plan que Dieu a pour toi, le plan qu'il avait tracé avant que ta maman ne tombe enceinte de toi, ce plan subsiste, Dieu ne va pas le changer. C'est à toi de venir à lui pour qu'il te dirige. Mais il ne va pas le changer. Remarquez que lorsqu'il délivre Jonas du ventre du poisson, il ne change pas l'itinéraire. Jonas va à Ninive parce qu'il avait planifié que Jonas sera là-bas. Il n'y avait pas que Jonas en Israël, il y avait d'autres personnes. Mais dans le plan de Dieu, c'est Jonas qui devait aller là-bas et c'est Jonas qui est allé à Ninive. Bien-aimé, ma sœur, l'homme que Dieu a pris la côte pour te former existe. C'est Dieu qui connaît cette personne. Ne mets pas des barrières. Peut-être qu'il est africain. Peut-être cette personne, c'est un chinois. Peut-être c'est un canadien, tu ne sais pas. Mais il faut être comme Jésus. Père, me voici, que ta volonté s'accomplisse. C'est ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas à lui montrer des profils. Parce que lui... Si tu lui dis, moi je veux un Canadien, qu'est-ce qui te prouve qu'il avait pris la côte d'un Canadien pour te former? Tu ne le sais pas. C'est comme Jérémie ne savait pas qu'avant qu'il ne soit du ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà établi prophète. Donc, Dieu va te révéler cela après. Bien-aimé, accepter la volonté de Dieu, accepter le partenaire que Dieu a réservé pour toi, c'est quoi? C'est la confiance. Parce que si ton papa, je prends ici ton père terrestre, te dit, ma fille, moi je veux que tu passes ici. Tu dis, non papa, moi je veux plutôt. C'est comme si tu n'as pas confiance à ton papa. Si vraiment tu as confiance en Dieu, Dieu t'aime. Dieu ne peut pas te donner un lion. Dieu ne peut pas te donner un mari qui est un monstre. Quelqu'un qui va te taper, qui va te manquer de respect. Dieu va te donner la personne qui correspond à ton cœur. Hein? Toi qui es capricieuse là. Dieu connaît la personne qui peut aller avec. C'est pourquoi il est mieux et préférable pour toi de te mettre à genoux, de dire, Seigneur, oui, j'ai placé devant toi des profils. J'ai dans ma tête un profil d'homme. Quand j'étais dans le monde, voici mon profil d'homme. Voici le profil d'homme que j'avais. Seigneur, maintenant, je jette tout ça par terre. Je suis comme je suis là devant toi, Père. Dirige-moi. Je suis prête à accepter l'homme ou la femme que tu as préparé pour moi. Bien-aimé, c'est Jésus qui est venu nous montrer comment on traite avec Dieu. Jésus vient nous montrer qu'avec ce Dieu-là, il vous appelle pour lui obéir. Pas pour lui dire ce que lui doit faire pour vous, mais pour lui obéir. Parce que Dieu, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est pas ce jour-là que Dieu a dit, « Ok, t'es dit à accepter Jésus, bon, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. » Mais non! C'est-à-dire qu'avant même d'être dans le ventre de ta maman, lui, il te connaissait. Il avait déjà tout tracé. Ça existe déjà, le plan existe. Tu ne peux pas le modifier. Et si toi, tu veux prendre d'autres itinéraires, tu ne fais que retarder ta vie. Et tu auras l'impression de prier au vide. Prier, prier, prier, rien ne tombe. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes lui dire comment il doit faire. Dieu t'a appelé pour obéir au plan qu'il avait déjà tracé pour toi avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère. Et c'est ce qui est arrivé à Jérémie. Jérémie ne le savait pas. Donc c'est Dieu, ce que Dieu veut aujourd'hui, mon frère. Mais tu es libre de prendre qui tu veux, de prendre qui tu veux. Jonas était libre de refuser l'itinéraire de Dieu et de prendre l'itinéraire de son cœur. C'est comme tu es libre de dire, ah non, moi je ne prendrai pas celle que Dieu a réservée pour moi. Moi-même je fais mon choix. Mais tu vas te retrouver comme Jonas. Parce que le choix de Dieu est toujours meilleur. Le choix de l'homme ne peut pas être meilleur que le choix de Dieu. Tu vas pleurer, tu vas gémir, tu vas regretter ce choix. Parce que ton choix est charnel, il est basé sur les apparences physiques. Ah oui, moi j'épouse cette fille, elle est belle, elle a des formes, elle est bien bâtie. Ça c'est des formes, ça c'est le choix charnel. Mais le cœur là-bas, Dieu seul connaît l'état de son cœur. Il en est de même pour des sœurs. Hein? C'est un bel homme, il est beau. Parce que le mec te fait des souris du début. Ça, c'est des trucs du début. Mais il ne reste pas tout le temps comme ça. Même les gens là qui battent leurs femmes. Les premiers jours, quand ils ont rencontré ces femmes. Mais ils étaient gentils, doux. La femme ne pouvait pas imaginer que 5, 6 ans après, celui-là va me porter des coups. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est pas que Dieu n'entend pas vos prières, vous qui voulez vous marier. C'est parce que Dieu, quand il vous regarde, il regarde que vous avez mis dans vos têtes, vous avez en vous des profils que vous voulez, qui peut-être n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour votre vie. L'itinéraire de Jonas n'avait rien à voir avec l'itinéraire de Dieu, parce que pour Dieu c'était Ninive, alors que pour Jonas c'était autre chose. Et on voit bien que Jonas s'est retrouvé dans des difficultés. Donc le problème aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Vous avez dans l'église des gens qui cherchent la volonté de Dieu, qui disent, Père, peu importe la personne que tu as prévu pour moi, moi je suis prêt à l'accepter. Vous avez aussi une catégorie, dans le monde, ils avaient des choix physiques, alors maintenant qu'ils sont en Christ, ils sont toujours à fond dans leurs choix physiques. C'est-à-dire, il faudrait que le partenaire remplisse ces conditions-là. Bel homme, élégant, sportif, 1m90, cadre, tout ça. Vous avez des sœurs en Christ qui résonnent comme ça? Moi j'ai entendu ça plusieurs fois. Alors dans ces conditions, Dieu fait avec toi comme il avait fait avec Jonas. Ok, tu ne veux pas la personne que j'ai réservée pour toi, que moi je suis prêt à amener vers toi. Mais toi tu veux ton choix selon tes profils. Vas-y, Jonas, vas-y, tu refuses Ninive. Vas-y, Jonas. Et Jonas se retrouve dans la galère. Parce que quand tu rates le choix de Dieu, Satan t'attend au tournant. Quand tu rates le choix de Dieu, quand tu refuses le choix de Dieu, Satan t'attend au tournant. Parce que Satan va dire, ok, tu as refusé le choix de ton père, maintenant on va aller ensemble. Voilà. Donc, bien-aimé, c'est pas que Dieu n'entend pas vos prières. Marchez comme Jésus. Suivez le modèle. Jésus, c'est le modèle. Jésus nous montre comment on traite avec Dieu le Père. Jésus nous montre comment on traite avec le Saint-Esprit. Jésus est venu nous montrer comment on traite avec Dieu. Parce qu'il nous dit clairement que personne ne connaît ce Dieu si ce n'est moi, Jésus. Et c'est moi qui peux vous montrer, vous révéler comment est ce Dieu. Et on voit bien Jésus qui est le modèle, le parfait modèle, qui nous montre avec ce Dieu-là, il a déjà tout planifié avant même que ta maman ne tombe enceinte de toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes vers lui et lui demander l'itinéraire. Lui dire, Père, me voici, que ta volonté seule s'accomplisse. quand tu vas commencer à se mettre à genoux et à dire à Dieu que ta volonté s'accomplisse, alors Dieu va te conduire vers le partenaire de ta vie. Il ne sera peut-être pas américain, parce que toi tu voulais un américain. Il ne sera peut-être pas africain, peut-être tu voulais un africain ou une africaine. Il ne sera peut-être pas un asiatique, mais il sera le meilleur choix. Parce que entre ton choix et le choix de Dieu, le choix de Dieu, bien aimé, c'est quoi le choix d'un homme par rapport au choix de Dieu? Le choix de Dieu est incomparable. C'est le choix de la perfection. C'est le choix de l'amour. C'est le choix de la paix. C'est le choix de l'harmonie. Voilà. Le choix de Dieu, Dieu n'a jamais échoué et Dieu ne se trompe jamais. Donc son choix, c'est le choix de la joie et tu seras heureuse. Dieu va amener vers toi une personne qui peut te supporter, une personne qui peut supporter tes caprices, une personne qui t'accepte tel que tu es. Une personne, quand tu as une petite fièvre, la personne est touchée, la personne ne sera pas indifférente si tu as un petit problème, parce que la personne a de l'amour. Et ça, c'est le partenaire que Dieu a réservé pour toi. Vous les frères, Dieu va amener vers toi une femme obéissante, une femme quand tu parles, il n'y a pas de bras de fer. Il n'y a pas de bras de fer dans le couple. Celui-là dit moi, l'autre dit moi, celui-là dit. Non, il n'y aura pas ça. Parce que Dieu connaît ton caractère. Et Dieu sait la femme qu'il a préparée pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, enlève tes profils, enlève tes désirs, enlève tes choix. Va vers Dieu comme Jésus et dis, Père, que ta volonté s'accomplisse. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.